几点钟头人到了一人这天trouvé ça sur le piano as-tu omis de m'en parlerTrouver ça sur le piano. Ok, drum, drum, drum. Tap. Tim, tap, tap, tip, tap, tap, drum. Ok, rhythmic, rhythmic.Trouver ça sur le piano, as-tu omis de m'en parler? Trouver ça sur le piano, as-tu omis de m'en parler? Pourquoi tu m'écris toujours ces mots qui font mal à en creux? Juste un grand cri de solitude pour me dire que tu pars demain matin. On me demande ce qu'il t'arrive, un quoi on n'est pas bien ensemble. J'aurais préféré que l'on se parle avant pour mieux se comprendre. Alors si tes valises sont prêtes, plus rien ne te retient ici. Laisse-moi au moins te dire, donne-moi une dernière fois le sourire que j'aime tantLes anges un jour ou l'autre retrouvent au ciel. Retourne au ciel. Retourne au ciel.Laisse-moi au moins te dire, garderai l'incertitude.